La majorité des mécaniciens étaient des vieux de la vieille, qui refusaient d'aller au jus, comme on disait, bien déterminés à finir leur carrière sur les locomotives à vapeur. Ce fut le temps perdu des « mecs rues », les derniers témoins d'une époque révolue. Au milieu de ce chambardement, des élèves, les « Elmec », qui conduisaient un peu tout, les électriques, les diesels et même les dernières machines à vapeur. Bons à tout, bons à rien, ils bouchaient les trous, et le travail se faisait quand même. Le progrès trop rapide fut un temps bizarre et désordonné, où chacun cherchait sa place pour obtenir un déroulement de carrière le moins mauvais possible, et du coup, un temps de grande discorde. La crème des chauffeurs, les CFRU de métier, abandonnés par leur patron, partis jouer les pieds fins sur les grandes roues des machines dites modernes, promenaient honteusement leurs regrets, malades, et régnaient à disparaître petit à petit. Pourtant, parmi ces hommes, déçus mais rompus au travail du fioul, il y avait quelques jeunes de 20 ans, comme moi, des apprentis mécaniciens qui chauffaient à l'année et qui faisaient de leur mieux, avec des patrons pas toujours heureux de voir appliquer la nouvelle génération dans ce milieu où les gros bras étaient fortement appréciés. Était-ce le bon temps? Peut-être. C'était surtout un temps dépassé, le temps du froid derrière et du chaud devant, le temps des soleils de plomb devant des foyers béants, des pluies gelées qui glaçaient nos visages des heures durant pour mieux voir au dehors, le temps des noirs tunnels où l'âpre fumée nous étouffait, le temps des postes de nuit, quand pour 2 heures de sommeil, nous refaisions nos lits dans les dortoirs où il y avait toujours quelqu'un pour faire du bruit. Du monde partout, des vieux, des jeunes, des hommes sans âge, usés par les nuits d'insomnie, des rieurs et des querelleurs, des bons et des menteurs. Même la nuit, il fallait souvent attendre 2 heures pour avoir une chambre en mauvais état, que nous partagions en équipe. Des chambres, aux lits, sales et dures, aux couvertures rêches et maculées, aux lumières déficientes, aux meubles rares et crasseux, à l'aération insuffisante.